Ah, y a plus la batterie là. Merde, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a muté la batterie. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe hein? Oula. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'entend plus. Benjamin, chez moi, ton vue-mètre, il bouge plus. Oh merde, il faut que je relance le truc, putain.